Alors, c'est pas tout ça, Léa, mais quand est-ce qu'on baise? Bah écoute, dans 5 minutes, ce sera plutôt bon. Ok. Bah on enregistre avant, alors. Sur que aucun même amoureux et sincère ne m'invitera à la brasserie Baudelaire. Mais non, Léa, arrête tes conneries. Reprends confiance en la vie. Tu n'es pas bonne, colis. Je peux même rajouter que t'es jolie. Ça pour me faire plaisir. Je ne suis plus qu'une machine à jouir. Jour après jour, je me vois vieillir. Plus flippé que les bites que j'aspire. Mais non, putain, Léa, c'est pas vrai. Dieu triera le bon du mauvais. Alors ouvre grand. T'es volé. Ton corps est plus beau qu'un palais. J'ai déjà la corde à mon cou. Aucun homme ne me trouve à son goût. Mes cheveux frisés sont tout pleins de peau. Je m'en suis trop pris dans la gueule des cailloux. Mais non, moi je porte même ton écharpe ridicule. Les qu'en dira-t-on, tu les encules. Monte plutôt dans mon véhicule. On va au soleil, enlève ton pull. Oui, on va à la cano. L'espoir pour nous est un cadeau. La vie pour nous est un cadeau. Prends-moi dans tes bras. Oui, on va à la cano. L'espoir pour nous est un cano. La vie pour nous est un cano. Prends-moi dans tes bras, au loin.